mais l'écho reste. Je vois la lumière sur les murs en test. Le stream est mort mais les vrais sont là. En chill sur la vague, on a soulevé gars. Raider scale en fondant les écouteurs. Chaque drop encore chaud dans le cœur. C'était plus qu'un live et c'est un pacte. Et dans le silence on garde l'impact. Aux émotes te lancer, à ceux qui sont restés sans jamais lâcher. La team fidèle et leur cœur discret. Vous êtes la vibe quand le son s'arrête. Le monde dort, mais on s'en fout. On a tout brûlé, on garde le goût. Et dans le night drive, je pense à vous tous. Rider Skill vous lâchera pas dessus. Encore connecté, même hors ligne.